Implosion. Terreur de voir à tout moment le monde envahir brutalement l'individu en étouffant son identité, comme un gaz s'engouffre dans le vide. Cet individu se sent vide, mais ce vide, c'est lui. Tout contact avec la réalité est alors ressenti comme une menace terrible. Ne puis-je pas, malgré toute ma vigilance, être attaqué du côté le plus inattendu? Ce sont des esprits souterrains. On entend leurs ongles gratter juste au-dessous de soi dans cette terre qui est leur élément. À ce moment, on est déjà...